tard, je suis un essai, je me charge ou pas. Je suis dans le volet, des seuls folie, je barre dans nos je sais que tu m'as vu. Je vais faire un produit, je m'introduis. Maudit, on l'a fait pour la tue. Le premier qui bouge ou qui part, on l'allume. Je sens que je me noie dans ma bulle. Je suis bon qu'à faire des tubes. Et je le fais si tu suis bien la cul. J'ai attendu personne, pourtant j'ai percé. Je suis 80% de mes capacités. Donc je roule un test, les chefs d'un berce. Je dis qu'il y a des blagues, j'aurais pas juste cité. Je me suis fait inciter. En baladant dans la cité. Et mélanger dans la vitesse. C'est ma faute quand tu veux m'inviter. J'ai plus d'un style, tard le soir, je roule une spin. J'allume les phares aux yeux de ma vie. Je deviens une star, je suis indécis. Je me charge ou pas. Il me faut encore plus de liquide, maman me l'a dit. C'est peut-être pour elle que je transpire. Sans faire nouveaux ennemis, sans faire nouveaux ennemis. Je prends même plus la tête. La liberté n'a pas de prix quand on a pris la tête. Il me faut encore plus de liquide, maman me l'a dit. C'est peut-être pour elle que je transpire. Sans faire nouveaux ennemis, sans faire nouveaux ennemis. Je prends même plus la tête. La liberté n'a pas de prix quand on a pris la tête. On bat les couilles de ton avis, de tes potes, de ta vie, de tes meufs, de ton vécu. Si tu me cherches, moi je viendrai dans ta ville, ramène toute ton équipe, j'ai mes couilles, j'ai ma sécu. J'allume, et je veux pas savoir c'est qui, j'allume, et je veux pas savoir c'est qui, j'l'allume. En palette, je les desquis, salope, c'est nous les boss de la ville. Avec un peu de chance, avec un peu de haine, je rentabilise tout salaire à la semaine. Ta gosse c'est ma pute, mais je m'en lasse d'elle. Trafic quand on barse d'elle. Y'a ceux qu'avant, ils se moquaient. Il est planqué dans le smoking. Eh gros, j'ai peur de Dieu, des gyros. Eh gros, j'ai appris, je n'ai manié les métaux. Eh gros, là t'en fais trop, tu viens embêtant. Eh gros, j'ai pris en gros, j'ai tombé dedans. Eh gros, j'nique le roi, j'pète à la couronne et le trône. Eh gros, j'suis au B3, j'suis tout au fond de ma zone. J'ai plus d'un speed, tard le soir, j'roule mon speed. J'allume les phares, j'roule mon mime. J'deviens une star, j'suis indécis, j'me charge ou pas. J'ai plus Il me faut encore plus de liquide, maman me l'a fait dit. C'est peut-être pour elle que je transpire. Sans faire nouveaux ennemis, sans faire nouveaux ennemis. Je prends même plus la tête. La liberté n'a pas de prix quand on a pris la tête. Il me faut encore plus de liquide, maman me l'a fait dit. C'est peut-être pour elle que je transpire. Sans faire nouveaux ennemis, sans faire nouveaux ennemis. Je prends même plus la tête. La liberté n'a pas de prix quand on a pris la tête. Même plus la tête, la liberté n'a pas de prix, tant qu'on a payé la dette.